Bonjour, on me demande comment être centré. Puis c'est lié à mes yeux, parce que je me réclame pas là. Je me présente pas comme quelqu'un de conscient, ou plus quelqu'un en processus là. Puis je me réclame d'aucune autorité. Puis même si à un moment donné j'avais la prétention interne d'être conscient, j'en parlerai pas. Mais l'idée d'être centré, le fait d'être centré, de rester centré, ça peut pas être possible tout le temps, mais c'est lié à avoir de la présence, puis c'est lié à l'observation active en temps réel. Donc, l'observation active en temps réel, c'est comme un ouragan, là, si vous voulez, là, du vent qui tourne. En tant que manifestation, au départ, là, disons que le centre est là. Bon, le centre est au centre. Et ça, ce qui tourne autour, c'est de l'expérimental intersubjectif expérit. C'est ce que vous voulez, ce qu'on pourrait dire comme l'intersubjectivité qui est liée à ce qui est l'expérimental, c'est-à-dire au contact, là, ce qui vient de l'extérieur, si vous voulez. Et puis, on a l'impression des fois qu'il y a de la pollution qui part puis qui vient polluer le centre. Mais au contraire, c'est le centre, si vous voulez, qui prend dans le vent puis qui se ramasse là. Puis, quand vous le voyez, parce que là que c'est décentré, puis vous vous ramassez dans le vibratoire du collectif, puis ça dessert l'individu parce que le rapport avec les collectifs est souvent vampirique au niveau de l'intersubjectivité. Puis vous allez baisser en vibration par rapport à un peu comme les gens là, qui vont dans des stades de sport et puis qui deviennent complètement animalisés, ou les jeunes là, qui vont à des concerts là, de rock puis qui deviennent là, complètement. Ils sont survoltés par de l'énergie, mais c'est pas leur, ça vient pas d'eux. Ça vient de l'extérieur, mais au fond, c'est eux qui sont décentrés puis qui se font ramasser par, si vous voulez, ce qu'on pourrait voir là, comme de l'intersubjectivité expérimentale collective. Puis ça c'est un frein là, des processus d'individuation. Pour rester centré, le meilleur moyen, c'est de l'observation active en temps réel, c'est-à-dire que dès que vous allez le voir, ça va commencer à être moins fort. Juste le fait de le voir. Dès là que quelqu'un, par exemple, là, de chicanier, essaie là, de vous confronter parce que à cause d'un mimétisme lié à la famille, puis des choses comme ça, c'est une façon qui est enregistrée, si vous voulez, un conditionnement d'entrer en relation avec l'autre, et puis pour des raisons. Vu qu'il n'y a pas de centricité, qu'il n'y a pas d'individuation, la personne, elle va être portée à se situer par rapport aux autres au lieu de situer les autres par rapport à elle. Puis là, elle va être chicanière, elle va être rancunière. Dès que vous allez comprendre ces processus-là, dès que vous allez les voir, bien, ça pourra plus là, vous décentrer. Il va y avoir un commencement. Vous allez commencer à sortir du créatif pour entrer dans le réactif. Mais le seul fait de l'observer en temps réel va réacheminer l'énergie qu'il y a là-dedans vers vous, puis vous allez vous recentrer, là, si vous voulez. C'est de le voir en temps réel. C'est le seul moyen de rester centré. C'est que ici, si vous voulez, il y a un vide. C'est lié à ce qu'on pourrait voir comme une objectivité, une vue d'ensemble. Comme je vous dis, ça, c'est de l'intersubjectivité sociale, là, animale. La grégarité, c'est ça, la grégarité. Parce que, comme je l'ai dit, l'être humain est encore un animal social. C'est pas encore un humain, quasiment. Si on peut dire, il est encore réactif, il réagit à des stimuli, il y a des lois de cause à effet qu'il ne voit pas et dans lesquelles il est passif. Il est passif par rapport à ça. Si on se met à l'antithétiser, à l'anthropomorphiser, là, ça devient des forces involutives. Mais là, quelque part, c'est ça aussi. Donc, quand quelqu'un, là, si vous avez des mauvaises relations avec quelqu'un dans votre famille, puis que la personne, inconsciemment, à cause d'une d'un conditionnement qui se déclenche tout seul. C'est sa façon d'entrer en relation. Et puis que là, cette personne-là va chercher à vous faire réagir. Le seul fait de le voir, puis de savoir que ça, c'est pas réel au sens où ça n'est pas objectif. Le seul fait de le voir va faire que vous allez être imperméable à ça. Et si vous voulez, là, cette énergie-là qui vous a envoyé va rebondir et retourner à la personne. Donc, puis vous allez rester centré, vous allez rester dans une vibration plus haute. Puis l'extérieur pourra pas venir vous chercher pour vous décentrer puis vous amener là dans ça. Tout simplement. Puis ça passe par de la présence. Puis le pire, c'est que plus vous allez être présent, plus les gens vont trouver que ils vont vous trouver amorti, mais c'est parce que vous allez être dans une observation très attentive, puis vous ne serez pas dans le réactif. Et la plupart des gens, ça, ils ne le comprennent pas. Ils vont considérer que vous êtes amorti, que vous êtes trop calme, que vous êtes passif, alors que ce n'est pas le cas. Parce qu'eux sont en réaction et ils sont toujours à la recherche d'être, de stimuli, si vous voulez, d'être dans des stimuli, puis d'être dans le réactif, parce que pour eux, le mouvement, c'est juste du réactif. Alors que, si vous voulez, là, si vous êtes dans l'œil de la tornade, là, vous n'êtes plus réactif, là, d'une certaine façon, vous êtes actif, c'est-à-dire qu'il y a une gestion ergonomique des mouvements, puis de ce qui est encore, ce qui essaie d'être en, ce qui tourne autour, si vous voulez. Il y a une vue panoramique de ce qui se passe. C'est ça jusqu'à un certain point. Puis en plus, vous allez vous voir aussi comme s'il y avait quelque chose d'extérieur, comme j'avais dit dans d'autres vidéos. Vous allez non seulement voir le mouvement de l'intérieur, vous allez le voir un peu de l'extérieur aussi, puis vous allez avoir une vision d'ensemble de ce que je fais, de ça, là. Donc c'est ça, rester centré. Vous pouvez être pris dans un accident de voiture et puis vous allez tout de suite voir ce que vous devez faire. Tout de suite. Comme ça m'est arrivé, là, la personne avec moi était tellement en réaction que j'ai dû dire ce qu'il fallait faire. Parce que la personne avec moi, elle pleurait, elle était dans l'émotivité. Puis, comme je disais, le fait de surplomber l'émotivité, parce que c'est juste de l'énergie animique, l'émotivité. Vous n'allez pas perdre votre sensibilité, là, au contraire. Au contraire, parce que l'énergie qui habituellement est part dans de la subjectivité va servir à construire de l'objectivité. C'est ça le centre de gravité un peu, là, si vous voulez. La personne va sembler avoir de la gravité, même ça peut arriver qu'on dise que cette personne-là, elle est sérieuse, elle est grave, mais vous allez avoir la capacité, vous allez garder votre sens de l'humour, là. Vous n'allez pas devenir une machine froide et vous allez. Puis même de toute façon, ça, là, ce qu'il y a là-dedans s'en rendra pas compte, il ne le verra pas. Tout comme quand on est décentré, là, ce qu'on pouvait appeler se faire astraliser, il y a quelque chose qui fait que les gens ne le voient pas tout le temps, puis ça tire ici. Puis une fois qu'on est ici, on oublie le centre, si vous voulez. Puis par rapport à ce que je voulais aussi, bon, il y a une autre vidéo que j'ai fait, on m'en a reparlé, ça là, les gens me disaient c'est quoi ça? Je disais c'est l'intensification dans la matière, le luciférique si vous voulez. Puis en trois dimensions ça fait ça là. Dans certaines traditions, vous savez, l'arbre de vie, c'est le haut là, avec la couronne ici. C'est lié à la descente, là, la densification. Puis aussi, là, dans certains rites de passage, là, ils vont se mettre un cube sur le front. Dans d'autres traditions, là, ils font un pèlerinage, ils tournent autour d'un cube. Dans certains groupes privés, là, il y a ce qu'ils appellent la pierre cubique, qui est le plan matériel, qui doit être trahi par l'esprit. Ces gens-là sont tous dans le culte de ça, là, sans le savoir. Le culte voilé des forces qui maintiennent dans la matière, parce que c'est comme s'ils étaient bloqués dans la remontée, la sublimation. Donc, j'en dirai pas plus. J'en dirai pas plus.